nous tournons ce lieu. Nous dansons par la pluie de la vache, bagaille de l'os. Rage dans les manches, bagaille de l'os, yabate. Maragui de la vache, yababosa. Rage dans la mante, les bras, yabache. Rabababosa, yababos, yabate. Rage dans la vache, les bras. Est-ce qu'on peut s'élever toute l'église? Tiens-toi debout là où tu es. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois de décembre. Et vendredi, c'est un jour de prière. Oh, j'aimerais qu'on prie pendant un petit moment. Ouvre seulement ton cœur. Nous pouvons être nombreux, mais chacun en fonction de sa foi, de son obéissance et de ses attentes, peut recevoir sa visitation. Dieu de gloire. C'est comme ça que dans la foule, Jésus peut dire que quelqu'un m'a touché. Oui, les autres le touchaient différemment. Mais cette femme ce jour-là a décidé de toucher Jésus autrement. Dieu de gloire. J'aimerais que tu pries. C'est le premier vendredi. Je suis convaincu. Aujourd'hui, ce soir, il y a des vies qui seront touchées différemment. Il y a des familles qui seront touchées différemment. Il y a des destinées qui seront touchées différemment. Parce que Dieu est présent. Il est présent. Ça dépend de ta façon de le toucher ce soir. Oui, élève, tu vas commencer à prier. Oh, yeah. Continue à prier, bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Que Dieu te visite ce soir. Que Dieu visite ta vie ce soir. Que Dieu visite ta destinée ce soir. Si tu es malade ce soir, la grâce de Dieu est disponible. À toi de puiser. À toi de puiser. Élève ta voix. Continue à bénir ce Dieu merveilleux. Continue à bénir ce Dieu merveilleux. Alléluia. L'agneau Jésus. Oh merci Jésus. Oh nous élevons. Oh merci Jésus. La voix pour adorer l'agneau Jésus. Oh oui, chantons gloire, gloire, gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, chantons gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. Joie dans sa présence, car il est dit l'agneau, l'agneau. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau, oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. Est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau. Il est souverain. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta splendeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Yes, yes. Tout ce que tu fais. Et ta mon aide. Tu peux élever ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Que ta voix monte comme un parfum devant le trône. Que ta voix monte comme un parfum devant le trône. Oui, je vis un ange qui portait des prières des saints, qui était comme dans un vase. C'était un parfum qui montait. C'était un parfum qui montait dans l'atmosphère. C'était la prière des saints. C'était l'adoration des saints. C'était l'adoration des saints qui montait comme un parfum. Qui montait comme un parfum, qui montait comme un parfum devant le trône, qui montait comme un parfum, qui montait comme un parfum, comme un parfum, comme un parfum, comme un parfum, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum. Yosa monene, monene. Yosa monene, monene. Yahweh, holy Zibah. C'est toi qui possèdes les paroles de la Seigneur. Yahweh, Izi Banaka, Izi Banaka, Uka Kate, Yahweh, Yahweh, Yondoza Namalo, Yondoza Namalo, Baya, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yolizi Ba, Yolizi Ba, Yolizi Ba, Yolizi Ba. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le roi de roi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer correctement le Seigneur? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir quelques minutes. Juste quelques minutes avant d'écouter la parole de Dieu. Je voulais donner quelques communiqués, je vais revenir sur ça après. Le premier communiqué, pour que je n'oublie pas. L'apôtre Hippolyte a écrit un très bon livre qu'il a verni le dimanche passé, c'est ça? Le dimanche passé, le 30 novembre. Bâtir à deux, combattre à deux. Bâtir à deux, combattre à deux. Ça m'a plu quand il m'a fait le don de ce livre. C'est un manuel de dépistage et de guerre spirituelle pour les couples. J'ai aimé vraiment ça. Il faut savoir dépister les guerres spirituelles dans la vie. Alors c'est un manuel intéressant. J'ai commencé à l'aborder très rapidement. Quand un livre tombe, tu commences parce que, bon, il y a toujours beaucoup de livres qui tombent sous la main. Mais il est très intéressant. Il coûte $30. Nous mettons $30 ici, mais sur le net, c'est 42 euros. 42 euros, c'est à peu près $35. Alors, nous mettons à $30. Et nous vous conseillons. Nous demandons à l'Église de se procurer cet ouvrage. Ça sera une bénédiction pour toi. Alors, le stock n'est pas grand. C'est juste quelques livres qu'il a amenés. Il a préféré réduire ses bagages et mettre, parce que les livres pèsent beaucoup. Alors j'aimerais que nous puissions prendre tous ces livres parce que dimanche il rentre sur Paris. Alors j'aimerais que l'Église puisse le bénir aussi. Avant qu'il n'écoute la parole de Dieu. Qui peut prendre ce livre, $30, amener d'ici dimanche. Lève ta main là où tu es. Merci que Dieu te bénisse. Levez la main. Merci. Albert, mets-toi au travail. Très rapidement. Levez la main correctement. Levez la main correctement. Nous voulons bénir l'homme de Dieu. Micheline accompagne Albert, ne soit pas seul. On gagne le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Merci, on vous a déjà vu, ne vous fatiguez pas. Levez la main, $30 seulement. C'est le billet de Moulikap, n'est-ce pas? Yo tenan feza Moulikap. N'est-ce pas? Pourquoi aller à Colosie? Mais vous prenez un livre qui va vous bénir toute la vie. Bâtir à deux, combattre à deux. Prends deux, trois livres. C'est la fin de l'année, tu peux offrir à quelqu'un. Protocole, prenons aussi de l'autre côté. N'attendez pas seulement que Albert passe le tour. N'attendez pas le tour seulement d'Albert. Rapidement, rapidement. Guaraka. C'est bien de lire. Quoi qu'il m'a ksoma. Donc, je vais encore revenir sur ce communiqué parce que j'aimerais que tout le stock se termine ici. Nous voulons vraiment être bénis. Deuxième communiqué. La masterclass, c'est demain matin. Nous sommes là à partir de 8h30. Et pour suivre notre masterclass, laissez-moi prendre mon téléphone pour donner le thème. C'est très intéressant. C'est des modules qui vont nous bénir et nous aider. La force de l'appel spirituel, du potentiel entrepreneurial et leur impact dans l'église locale. C'est le thème de notre masterclass demain. Et soyons là à partir de 8h30. Ça va nous aider et ça va nous bénir. Nous terminerons à 11h. À partir de 11h, les diacres et les diaconesses restent pour un autre enseignement, cette fois-là avec toutes les autres églises, de 11h à 14h. Et le soir, je ne sais pas quelle heure, 16h je pense. Si Dieu ne sait qu'on a eu ça quoi 16h. Les couples se retrouvent dans notre salle de fête. Ma Dieu, si t'as du coup tendance à tenir un gars. Pour un enseignement sur le couple toujours avec l'apôtre Hippolyte. Quoi dire, ma fondi choukou sur ma Dieu si nous sommes Hippolyte. Donc voilà la journée de demain. Ne vile tenace quoi y a quelque chose. Nous donnons le communiqué pour que nous puissions nous préparer. Tu n'as l'état tangoise quoi dit tu pas te coudi tangenez. N'oublions pas les enveloppes. Tu sors ma bâche. Que nous avons prise mardi. Y a ni tu le bébé en cas. Et de les préparer pour faire la plus grosse offrande de l'année 2025 pour toi. L'offrande que tu apporteras doit être la plus grande de l'année 2025 pour ouvrir certaines portes dans ta vie. C'est important de mettre Dieu à l'épreuve. En fait, l'offrande est une adoration, une adoration qui est un acte de foi. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Et j'ai compris que les gens qui travaillent vraiment dans les offrandes, qui servent Dieu correctement, leur vie est impactée sur le plan financier et sur le plan matériel. Donc nous nous préparons pour cette offrande de dimanche qui sera différente de toutes les offrandes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai donné tous les communiqués. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant? Oh. Alors, nous sommes bénis ce soir. Je vais demander un cantique spécial. Je vois le frère Enon, ça fait longtemps que je t'ai vu. Avec mon frère Brave. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est ton épouse. Maman, Mungo Kubarik. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia, c'est bien de se marier, on encourage ça. Donc demain, venez aussi à la réunion des couples. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais demander un cantique, celui qui a composé, il est hors de question, c'est ça? Ok, grâce. Donc, grâce. Vous pouvez... Ah, l'équipe est là, Caribou. Voilà, nous allons adorer avec lui. De Tabout Famodjanae. Merci beaucoup, papa. Ça fait de la joie d'être là après 2 ans. Oui, merci beaucoup. Au travers de l'apôtre. Donc, il m'a dit. Merci beaucoup. Oui. Amen, amen, Église. J'aimerais qu'on puisse prendre ces 5 minutes pour prier avec cette chanson. Dans cette retraite, disons à Dieu que cette année ne finira pas comme ça. Amen. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher. Est-ce que chanter ensemble l'église? Il est hors de question. Il est hors de que tu passes. Il est hors de question que ça finisse. Ah, je n'ai jamais vu un homme te chercher. Oh, moi je n'ai jamais vu un homme te chercher. Oh, le papa, oh, mon papa est là, je le vois te toucher. Oh, yelele baba, mon daddy est là, je le vois le faire ce soir. Yelele baba, quand le sang me rejette, papa me dit moi je t'aime encore. Yelele baba, je reste là, je sais qu'il va me toucher. Oh, quelque chose va se passer. Chante comme une prière. Ah, moi Jacob, je ne te lâcherai pas jusqu'à. Oui, cette année ne finira pas comme ça. On a mis à tout à l'heure. Ce soir ou jamais. On a mis à bel et là. Je le vois me toucher ce soir. Montre-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Comme Abraham, je te vois passer. Sarah, lève sa main. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba. Oh, je suis là pour toi. Et baba, et baba, et baba. Non, je suis venu. Oh, viens changer ma vie. Que ton esprit descende ici et maintenant. Oh, Baba, lève-moi mieux. Ciel est souverain. Oh, oh, lelo, konga ya molimo, lelo, konga ya bika moi, lelo. Aujourd'hui c'est ton jour, lelo. Aujourd'hui c'est mon jour, lelo. C'est le temps de la gloire, lelo. C'est le temps de miracles, lelo. C'est le temps de l'esprit, lelo. Le temps de la délivrance, lelo. Le temps tu rêves, le temps de la paix, le temps de l'onction. Manto et Bella, Bella, Manto et Bella. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pendant une minute? Est-ce que tu peux invoquer ton Dieu? Dis à Dieu, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Aujourd'hui, c'est mon jour. Est-ce qu'on n'a pas sa honte à Mungu? Ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me transformer. Ce soir ou jamais. Alléluia. Le Dieu de nos pères, le Dieu de la prière, nous avons soif. Comme si hier ne suffisait pas. Ouvre le ciel et que nous puissions te toucher. Ouvre le ciel et que le malade soit guéri. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Et Rano Osaka, Aya malade Brando, Ibele de Grando, Sanena Hano, et la Palena No. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Commence à parler au Seigneur. Dis à Dieu, si tu me touches, ma vie change. Si tu me touches, mon ministère change. Si tu me touches, mes finances changent. Quelqu'un parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Come on. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si le Dieu des esprits, prophète me touche, j'attendrai. Ici et maintenant, ça se passe. Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux te tenir debout et donner à Dieu une offrande d'acclamation? Donne à Dieu une offrande. J'ai parlé d'une offrande d'acclamation. Est-ce que Jésus peut avoir ton offrande d'acclamation ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut élever la star des stars? Non, fais-le bien, acclame Jésus. Oui, fais visuri. Acclame Jésus. C'est une bonne occasion pour toi. de célébrer celui qui guérit toutes les maladies, de célébrer celui qui t'amène en 2026. Il ne t'amène pas les mains vides, il t'amène avec un témoignage. Tu entres en 2026 avec un témoignage. C'est lui qu'on veut acclamer ce soir. Il nous a gardés depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il ne cesse de faire des grandes choses. Et ce soir, il promet d'en faire encore. Lorsque tu acclames Jésus, tu es en train de dire, je n'ai pas d'autre Dieu. Tu es en train de lui dire que tu es mon seul Dieu. Tu es mon seul roi. Tu es le bouclier de ma destinée. Aucun homme n'est ma saisi comme toi. Aucun homme ne m'a fait du bien comme toi. Alors que tu es en train de te tenir debout et de l'acclamer, tu es en train de lui dire que moi je n'ai que Jésus. Non, est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut ouvrir le ciel par nos acclamations? Associe maintenant des acclamations et ton adoration. Commence à l'adorer en acclamant. Commence à l'élever en acclamant. Tu peux l'élever dans ta langue maternelle. Tu peux l'élever en Lingala. Tu peux l'élever en Kiluba. Tu peux l'élever en Swahili. Tu peux que toutes les langues élèvent Jésus en acclamant. Les Prada Mahasia Tarabaya. Alléluia. Les Sadana Barada Labasate. Oui, alléluia. Fais le bien. Quelque chose se libère de l'atmosphère. Alors que tu es en train de le faire, la Rabababo Saparamanana Maya. Le ciel est ouvert ce soir. Mais sautez télé de Babo Seteur. Nous élevons Jésus, nous élevons Jésus, ne t'arrête pas. Pour tout ce qu'il cesse de faire pour nous, nous voulons ce soir ici à Source Féconde que le ciel soit avisé, qu'il y a une armée d'adorateurs qui s'élève, qu'il y a une armée d'adoratrices qui s'élève avec leurs paroles et leurs mots pour dire à Jésus, tu es le roi, tu es le maître, tu es le seul et l'unique, tu es la star des stars, tu es le commencement, tu es le cheminement, tu es la fin de toutes choses, tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'éternel qui pourvoit, tu es l'éternel qui élève, tu es celui qui prend de l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Tu es celui qui change l'histoire des hommes. Jéhovah. Oui, monte. Tu ne rémunères pas ceux qui te trouvent. Tu rémunères ceux qui te cherchent. Ce soir, nous sommes venus te chercher. Tu as un salaire pour tout un chacun. Ce soir, nous sommes venus te chercher. Toi qui guéris les maladies. Toi qui changes l'histoire. Jésus est célébré ce soir en ce lieu. Jésus est élevé ce soir en ce lieu. Jésus de tout. Sutter. Jésus, Jésus, Jésus, tu es. Oh my God. C'est pourquoi nous t'acclamons encore une fois. Celui qui fait des grandes choses. Celui qui fait des grandes choses. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Ici à source féconde tout s'écrit. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à saluer 7 personnes. Bénis leur année 2026. Tiens-toi debout, déplace-toi. Ne sois pas fermé, nous sommes dans la maison de Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Bénis ces personnes. Il est doux et agréable que le frère se réunit ensemble. Quelqu'un est béni ce soir. Il y a ton voisin, c'est une soirée bénie. Tout ce que Dieu fait est bon. Je suis reconnaissant encore une fois d'être ici à Likasi. Et encore plus chez moi à Source Féconde. J'étais en train de dire encore plus ici chez moi à Source Féconde. Si tu me considères toujours comme un invité, donc tu es jaloux. Donne-moi un amen bien. C'est une grande bénédiction d'être là. Et je bénis le Seigneur d'avoir disposer le temps et les moyens pour qu'on soit ici. J'aimerais bénir le Seigneur. En plus de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait depuis lundi, j'aimerais bénir Dieu pour la vie de mon épouse, Maman Ruth qui est en train de nous suivre. Depuis lundi, elle prend soin de moi à distance. Est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu pour ma femme? Fais-le bien. Si je suis en train de te bénir chaque soir, c'est parce que quand je rentre dans mon hôtel, j'ai quelqu'un qui me dit, tu as bien prêché. Demain, ça sera encore fort. Et Dieu m'a béni de la voir. Bénir Dieu aussi pour l'équipe qui m'accompagne. Mon fils, le pasteur Christophe Kalenga. Bénissons Dieu pour sa vie, une grande bénédiction. Le serviteur de Dieu, David. Bénissons aussi Dieu pour sa vie. Et je suis très béni par la visite d'un ami spécial. C'est une amitié assez vieille de plus de 15 années. Il est maintenant pasteur à Kolwezi. Kolwezi, hein? Et il fait un grand travail là-bas. C'est parmi les amis et les frères d'Alliance qui m'ont challengé dans ma vie chrétienne. Si il y a deux personnes qui peuvent mieux parler de moi, lui il en fait partie. Et s'il y a deux personnes qui peuvent parler de lui, moi j'en fais partie. C'est vraiment un frère d'Alliance. Quand il a appris que j'étais là, il s'est disponibilisé pour venir me rejoindre. Un enfant de Dieu véritable. Nous avons grandi ensemble dans la foi. C'était un modèle de la sanctification. Quand on venait même en route, on était en train de rigoler. Parce qu'à l'époque, il avait une fiancée qu'il allait épouser. Un jour, sa fiancée vient l'accuser chez moi. Il dit, mais ton ami même le toucher, il n'aime pas. Il dit que si je les touche, c'est un péché. Et on a beaucoup rigolé à ça. Et croyez-moi, ce sont des petites disciplines de la jeunesse et de l'enfance qui amènent les gens à devenir très grands. Si dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu n'as pas été discipliné, tu vas beaucoup souffrir dans ta vieillesse. Est-ce qu'on peut m'aider à prêcher le pasteur Alex? Je suis très content de te voir. Et m'aider aussi à bénir Dieu pour un vrai enfant de Dieu qui nous fait la surprise ce soir, le serviteur Enoch, ainsi que son épouse que je vois pour la première fois. Ton mari t'aime beaucoup. J'étais avec lui à Paris. Et à Paris, il pensait à toi. Je ne vais pas te dire ce qu'il m'a dit. Dieu t'a donné un bon mari. Est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu pour leur vie? Merci beaucoup. Je vous porte vraiment dans mon cœur et je suis béni de vous avoir. Mais j'aimerais clôturer ici pour le meilleur pour la fin. Bénir l'ange de la maison, notre papa, notre bénédiction, celui par qui Dieu est passé, pour que celui qui se tient devant vous vous bénisse. Un homme avec une très grande sensibilité de l'esprit et une humilité très légendaire. Je ne sais pas comment vous faites ici à Likasi d'avoir un tel homme et oser échouer. Je crois fermement dans mon esprit. Tu ne peux pas être à côté d'un tel homme et échouer dans la vie, impossible. Je ne le dis pas par plaisir. Je le dis de manière spirituelle. Si Dieu t'expose à une telle grâce et que ta vie continue d'aller de mal en pire, tu dois voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des signes et des présages. Quand on les a dans la vie, ou quand Dieu nous expose à de telles grâces, déduit directement que Dieu s'est souvenu de moi. Je vous rassure, le jour où le Seigneur nous a connectés et que je prenais le temps pour prier avant de venir, Dieu m'a fait comprendre qu'il s'était souvenu de moi. Et je me dis, si Dieu s'est souvenu de moi qui vient de très loin, à plus forte raison toi qui es ici à Likasi. Est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu pour la vie des parents de la maison? Je parle du bishop Désiré et de maman Elvie. Ta manière d'honorer le père me surprend. Est-ce qu'on peut très bien le faire? Non, tu ne pêches pas si tu exagères. Sois très rassuré. Tu n'es pas en train de pêcher. Si tu décides de te tenir debout là où tu es et d'honorer les parents que Dieu nous a donnés, je l'ai dit le mardi, il y a des choses qui ne s'obtiennent pas par la prière. La prière peut te donner des choses. L'offrande peut aussi donner des choses. Mais l'honneur peut te donner des grandes choses. Ce n'est pas un privilège, c'est un devoir. Des fils d'honorer les pères. Est-ce que tu peux donner à Dieu une bonne offrande pour leur dire merci beaucoup? Je suis très content d'être là. Que Dieu se souvienne pleinement de vous pour tout ce que vous avez fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de... Nous allons lire deux textes. Notre texte de base, notre chapitre de base, Juge 6. Nous allons juste lire le verset 25. Dans la continuité de ce qu'on était en train de dire hier. Et ensuite nous allons prendre un temps de prière. Et je crois que dans les minutes qui vont suivre, l'Éternel viendra au secours de plus d'une personne. Et il apportera la délivrance à plusieurs familles. Mon frère, tu peux lire, tu le fais très bien. Juge 6. Le verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Très bien. Et nous lisons notre texte d'hier. C'est un texte assez complexe. Donc je veux que nous nous concentrons sur la compréhension de ce texte. Et puis après nous allons couler dans l'enseignement et dans la prière. Levitique 14, le verset 35 au verset 45. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui à qui appartiendra la maison ira les déclarer au sacrificateur. Très bien. Et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Très bien. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sous les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. 7 jours. 39. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. Très bien. S'il voit que la plaie s'est étendue sous les murs de la maison, s'il voit que la plaie s'est étendue, c'est-à-dire s'il voit que le traitement n'est pas fait, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie. Il va ordonner qu'on arrache les pierres qui sont atteintes et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Très bien. Il fera racler tout l'intérieur de la maison. Et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur, voilà, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières. Et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépi la maison, le sacrificateur y retournera. Très bien. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison. On abattra la maison, les pierres, le bois et tous les mortiers de la maison. On va tout vider. Ça veut dire qu'on va tout vider. Et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. Amen. De Dieu. Notre texte de base, c'est va avec cette force que tu as. Et de manière assez méthodique depuis lundi, nous avions commencé à poser des bases fondamentales qui nous ont permis d'évoluer. Et j'ai commencé lundi par une information majeure. C'est que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans une nation, dans une église ou dans une famille, Dieu prend les soins de choisir. Dieu ne passe pas par tout le monde afin d'accomplir ses desseins. Parce que Dieu s'est soumis à ses lois et que l'économie de Dieu n'aime pas perdre. Dieu prend le choix de passer par une loi qu'on appelle la loi de prémices. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Juifs de Rome dans Romains 11. Il dit si les prémices sont mises à part, les restes les seront aussi. Je dis que Dieu sélectionne un type de personne afin de pouvoir représenter la masse. Et ces personnes, ce sont les premiers-nés. Lorsque les premiers-nés arrivent à vaincre, c'est la masse qui arrive à vaincre. Lorsque les premiers-nés arrivent à perdre, c'est la masse qui arrive à perdre. Voilà pourquoi, après avoir donné 9 plaies en Égypte, la 10e plaie qui était celle de premier-nés a fait en sorte qu'il y ait deuil dans toutes les maisons de l'Égypte et que l'Égypte soit vaincue afin de libérer les enfants d'Israël. Juste après cela, Dieu a dit à Moïse, consacre-moi aussi le premier-né. Parce que Dieu savait que de la même manière il avait touché le premier-né égyptien pour vaincre les Égyptiens, s'il touchait le premier-né israélien, ils allaient aussi le vaincre. Mais comme la Bible déclare, ce qui est dans la main de l'Éternel, personne ne peut le ravir. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, consacre-moi le premier-né. Et j'ai dit qu'il existait deux types de premier-nés. Il est le premier-né par droit d'aînesse et est le premier-né par droit d'onction. Les deux premiers-nés sont des appelés de Dieu. Sortir le premier dans une famille n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'un mandat. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle à Samuel au sujet d'Éliab, il dit lui que je l'ai déjà rejeté. La Bible ne montre nulle part où Eliab avait péché. Mais Dieu dit à Samuel, je l'ai quand même rejeté. Mais je crois dans ma théologie, c'est parce que Eliab n'avait pas compris sa position de premier-né. Voilà pourquoi lorsque un premier-né par droit d'aînesse se comprend par son mandat, Dieu choisit un autre premier-né par droit d'onction. Voilà pourquoi David a été premier-né par droit d'onction. Joseph a été premier-né par droit d'onction. Isaac a été premier-né par droit d'onction. Jacob a été premier-né par droit d'onction. Les premiers-nés par droit d'onction, ce sont ceux qui n'ont jamais été la tête de leur famille, mais dont Dieu a décidé d'avoir les regards sur eux pour que le nom de la famille connaisse la sommité. Je suis en train de réitérer ma déclaration de lundi afin de déclarer sur un premier-né par droit d'onction. Tu n'es pas le premier de ta famille, tu n'es peut-être pas le deuxième de ta famille, mais que c'est toi que Dieu a choisi, que Dieu t'amène la démarcation au nom de Jésus. Si le premier de ta famille n'a pas pu amener la famille au sommet, que Dieu passe par toi pour amener la famille au sommet. Tu ne me donnes pas un bon amen. Et je continue par expliquer quelque chose de fondamental. C'est que le choix de Dieu peut être évident. La force de Dieu peut être évidente, comme ce fut le cas de Gédéon. On ne lui parle pas de la force qu'il cherche, on ne lui parle pas de la force qu'il aura, on lui parle de la force qu'il a. Cette force peut être présente, mais elle peut être enfouie, elle peut être cachée. Tu peux être fort, mais tu vis comme un faible. David va même le dire dans le psaume, il dit nous sommes des dieux, mais nous vivons comme comme des hommes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la force, il faut réveiller cette force. Et la force de Josué était enfouie sur plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'était la peur. De par sa position géographique, il était en train de presser le vin. Mais il le faisait dans un endroit caché. Le deuxième facteur qui avait enfoui cette force, c'était l'héritage familial. Et lui-même, que je suis ma famille est les derniers de Manassé. C'est-à-dire qu'il était dans une famille pauvre. Il était dans une famille très reculée. Mais il n'y avait pas seulement l'héritage familial, qui est un facteur très important. Il y avait aussi la perspective qu'il avait de Dieu. Et il n'y avait pas seulement la perspective qu'il avait de Dieu. Il y avait aussi un autre combat qu'il devait combattre avant de combattre les combats ultimes. Voilà pourquoi Dieu nous a amené à comprendre que la première bataille de Dieu, ce n'était pas la bataille contre Madian, mais c'était la bataille contre la maison de son père. Et j'ai insisté en disant ceci: s'il y a une bataille qu'il faut à tout prix combattre et vaincre, c'est la bataille des origines. C'est une bataille que Dieu ne prend pas à la légère. Parce que tes origines n'est pas basé sur la vie chrétienne, mais c'est basé sur les réalités du monde spirituel. Voilà pourquoi même notre père de la foi, quand Dieu a voulu faire des grandes choses avec lui, Dieu lui a dit: sors de la maison de ton père. Et la première bataille de Gédéon, c'était de pouvoir combattre l'autel de son père. Parce que s'il ne combattait pas l'autel de son père, l'autel de son père allait être une source de réclamation. Au fil des années, dans le ministère comme dans les affaires, j'ai vu des personnes aller beaucoup plus haut. Mais du jour au lendemain, ils sont retournés à la case de départ. Pas parce qu'ils n'étaient pas compétents. Pas parce qu'ils n'étaient pas forts. Mais parce qu'il y a un pouvoir qui les a rappelés. Nous avions vu des pasteurs qui ont rempli des stades, mais qui sont devenus des ivrognes. Nous avons vu des gens qui ont fait marcher des paralytiques. Mais quelques années après, ils sont devenus des polygames. Ce n'est pas seulement qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ils ont pris à la légère les angles morts. Le combat de la maison de ton père peut être un angle mort pour ta destinée. Quelque chose qui a vaincu tes parents. Quelque chose qui a vaincu tes arrière-parents. Quelque chose qui a vaincu tes frères et sœurs, ne les prends pas à la légère. C'est un combat qui potentiellement peut te vaincre. Même si tu viens à l'église et que tu aimes Dieu, parce que c'est des sujets qui émanent du monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon: je t'appelle et je t'ai oint. Mais avant de pouvoir aller combattre, traite-moi ces problèmes d'origine. Je ne veux pas que dans le champ de bataille, que ton père te réclame. Voilà pourquoi même Abraham, lorsque Dieu seul lui parle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu qui lui parle. Il dit: je te bénirai, je ferai de toi père d'une multitude. Il avait déclaré, après avoir reçu ces paroles, Abraham bâtit un hôtel. Parce qu'il savait que recevoir une prophétie est un fait. Mais vivre la prophétie en une autre. Dieu parle à Habakkuk. Il lui dit: attends la prophétie. Mais Dieu dit encore à Habakkuk que cette prophétie peut tarder. Dieu est conscient Que sa parole peut connaître un retard. Que sa parole peut connaître des courts-circuits. Parce que Dieu est conscient des réalités spirituelles. Ne prends jamais à la légère des combats qui émanent de tes origines. Il y a quelques années, je vous ai raconté ici, j'ai passé des temps de sécheresse énorme. Mais quand je regardais autour de moi, je voyais que mes frères passaient par des mêmes situations. Mon père passait par des mêmes situations. Je servais Dieu, j'avais l'onction. J'aimais Dieu, je marchais dans la sanctification. Mais aussi longtemps que j'étais inconscient du fait que je devais mener certaines batailles, j'allais être un pasteur qui parle bien, qui prêche bien, qui guérit les malades, qui fait marcher les paralytiques, mais qui vit dans la pauvreté de sa famille. J'ai dit, avec moi ça ne passera pas. J'ai dit, avec moi trop c'est trop. La sagesse du pauvre est méprisée. Il arrive à un certain moment donné de la vie où les évidences de la présence de Dieu, ce n'est pas de sentir des sensations, ce n'est pas de prier en langue, mais c'est aussi de voir sa vie changer. Il existe un certain moment donné de la vie chrétienne du parcours avec Dieu où ta chrétienté et les évidences de la présence de Dieu ne doivent plus être dites dans la bouche. Mais quand les gens regardent ta vie, les gens réalisent que Dieu est passé par là. Voilà pourquoi j'ai dit à l'ange, si Dieu est avec nous, pourquoi tout ceci arrive? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes les plus pauvres? Parce que j'ai été conscient que la présence de Dieu ou la présence de celui qui tient devant Dieu doit amener les évidences de la bénédiction. J'ai dit la présence de Dieu ou la présence de celui qui se tient devant Dieu doit amener les évidences de la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, le jour où Jacob rencontre l'ange, dans Genèse 28, l'ange était venu pour autre chose. Mais Jacob sait une chose, celui que j'ai rencontré, il se tient de la présence de Dieu. Ce n'était pas programmé, ce n'était pas prévu. Jacob commence à lutter avec l'ange en train de dire à l'ange, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Parce que Jacob était un prophète, Jacob avait la révélation, si un homme ou un ange se tient devant Dieu, même s'il n'a pas la bénédiction pour moi, il est porteur de la bénédiction. Voilà pourquoi Jacob a lutté avec l'ange. Il a dit, je sais que tu n'es pas venu pour moi, mais parce que je suis conscient du fait que tu te tiens dans la présence de Dieu, je ne te lâcherai pas. Si la bénédiction qu'il y a auprès de celui sur qui tu te tiens ne s'attache pas à ma vie, Jacob s'est battu. Pourquoi Jacob s'est battu? Parce que l'ange n'était pas venu. Pourquoi Jacob se battait? Parce que ce n'était pas le jour de sa bénédiction. Mais Jacob savait une chose, si cet ange se tient devant Dieu, il a naturellement la bénédiction. Je ne dois pas les lâcher. Quand tu viens dans la présence de Dieu, même si ce n'est pas ton jour, il y a des attitudes qui peuvent faire en sorte que ce qui n'est pas ton jour devienne ton jour. Je prie ce soir, même si ce n'est pas ton jour, que ça devienne ton jour. Donne-moi un amen puissant. Il dit, tu te tiens devant Dieu, bénis-moi, je ne te lâcherai pas. Je prie pour quelqu'un dans les quelques jours qui restent. Dieu te donne la rage. Que Dieu te donne la grinta. Que Dieu te donne la motivation. De lui dire, je sais une chose. Dans ta présence, tu bénis. Si tu es avec moi, donne-moi les évidences et la bénédiction. Donne-moi un amen bien. Et ce que j'aime avec ce texte, Jacob a lutté avec l'ange. Parce qu'il était conscient que l'ange se tient devant Dieu. Mais parce qu'il était aussi conscient que si l'ange part, je ne sais pas où je les rencontrais. Que gloire soit bénie à Dieu. Parce qu'il savait très bien qu'on raterait certains anges. Voilà pourquoi Paul dit aux Éphésiens que Dieu a fait don aux hommes. Que Dieu a fait don aux hommes. Il a donné plus que des anges. Il a donné ses serviteurs qui se tiennent à la présence de Dieu afin de pouvoir te bénir. Si avec l'ange tu peux lutter, Dieu a eu pitié de toi. Dieu te donnait un bon pasteur. Dieu te donnait un bon père spirituel qui se tient dans la présence de Dieu. Donne-moi un amen bien. Et hier, j'ai commencé à parler de la délivrance des familles. J'ai expliqué que l'un des problèmes de Gédéon, ce n'était pas seulement les combats avec Madian. L'un des problèmes de ta vie, ce n'est pas seulement le combat de ton ministère. Ce n'est pas seulement des choses qui t'attendent devant. C'est aussi les combats de ta maison. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, traite les problèmes de ta maison. Et ce texte de Lévitique que nous venons de lire est un texte alors très bénissant. Parce que ce texte nous parle de quelqu'un qui se retrouve dans une situation similaire que Gédéon. La Bible est en train de dire qu'il y avait un homme qui un jour aperçoit un problème. Le verset 35 commence en disant que cet homme a perçu une plaie. Une plaie dans sa maison. Une plaie dans sa famille. Un problème dans sa famille. Et lorsqu'il a perçu ce problème, il a refusé de se taire. Et je vous ai dit hier, le premier pas de la délivrance, ce n'est pas de pleurer. Le premier pas de la délivrance, c'est d'abord de constater qu'est-ce qui ne marche pas dans ma famille, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma maison. Gédéon savait très bien. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Il savait que le problème de sa famille, c'était un problème de pauvreté. Quel est le problème de ta famille? Quels sont les défis de ta famille? La connaissance et les constats de ce problème ne doit pas t'amener à te plaindre, mais doit t'amener à réaliser qu'avec toi ça doit finir. Ça doit t'amener à réaliser qu'avec toi ça doit s'arrêter. Lorsque tu constates un problème, tu ne le constates pas pour constater. Dans ma famille, personne ne finit les études. Avec moi, je finirai les études. Dans ma famille, personne n'est riche. Moi, je serai riche. Dans ma famille, personne n'est prospère. Moi, je serai prospère. Dans ma famille, personne n'est béni. Moi, je serai béni. Mais j'aime la Bible. Parce que cet homme, en constatant ses problèmes, comme plusieurs d'entre nous ici, il n'est pas allé se plaindre sur Internet. Il n'est pas allé se plaindre sur Facebook. La Bible déclare, lorsqu'il aperçoit une plaie dans sa maison, il commence par aller au temple. Parce que cet homme avait la conscience de la spiritualité du temple. J'ai dit à quelqu'un hier ici que l'étendue de ta bénédiction, la qualité de ta délivrance commence aussi par la conscience que tu as de la maison de Dieu. Lorsque Anne a compris que c'était était difficile. Lorsque Anne a réalisé que Samuel n'arrivait pas, Anne connaissait Dieu. Anne aimait Dieu. Mais elle a dit ce genre de problème. Même s'il fait froid, même si j'ai des occupations, je ne peux pas rester à la maison. Je dois aller dans les temples. Même si ce n'est pas un jour de sacrifice, même si ce n'est pas un jour de culte, je sais que dans les temples, il n'y a pas seulement des chaises. Je sais que dans les temples, il n'y a pas seulement des lumières. Je sais que dans les temples, il n'y a pas seulement un écran. Je sais que dans les temples, il n'y a pas seulement des protocoles. Je suis conscient que dans les temples, il y a les tabernacles de Dieu. Il y a l'arche de l'alliance. Il y a la présence de Dieu. Même si tout ce qu'on est fermé, même si ce n'est pas un jour de culte, la conscience du temple peut faire que mon enfant est malade. Je viens seulement devant l'église. Je dépose mon enfant. Je dis que le Dieu ne peut pas désirer. Le Dieu qui siège ici guérit mon enfant. Et un miracle va arriver. Je prie ce soir que la conscience du temple soit changée et ajustée. Que tu ne vois pas seulement cette église comme un bâtiment. Ça va peut-être te choquer, mais nous sommes plus nombreux que les statistiques que l'équipe est en train de faire. J'ai dit, en ces lieux, il y a plus des êtres que les statistiques qu'on est en train de faire. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Parce qu'il avait la conscience de la présence de Dieu. Et ton miracle peut commencer là. Ne viens pas à l'église par rapport à une habitude que tu as. Des gens qui ne viennent que pour écouter la prédication. Des gens qui connaissent le fonctionnement de la liturgie du culte. Je sais que l'apôtre va monter à 18h. Je peux encore faire ce que j'ai à faire. Frère, il se peut que ta délivrance et ta guérison soient seulement lorsque un frère de la chorale est en train de chanter. Il se peut que ta visitation dans la présence de Dieu soit seulement lorsque tu pénètres ces lieux. Lorsque tu entres seulement à l'église, Dieu peut te bénir avant les cultes. Dieu peut te bénir avant les cultes. Dieu peut te bénir au début du culte. Dieu peut te bénir pendant les cultes. Dieu peut même te visiter pendant les offrandes. Il y a un frère que j'ai prophétisé ici juste par l'offrande. À n'importe quel moment du culte, le Seigneur peut te visiter. Mais tout dépend de ta conception et de ta manière de voir les choses. Et ce que j'aime avec ces récits, c'est que lorsqu'il va dans les temples, la Bible déclare qu'il va auprès du sacrificateur. Frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi. Le sacrificateur n'est pas réparateur des maisons. Le sacrificateur n'est pas réparateur des maisons. Le sacrificateur n'arrange pas les maisons. Cet homme a un problème dans sa maison. Pourquoi il ne va pas chercher un réparateur des plaies? Pourquoi il ne va pas voir un médecin ou un architecte? Pourquoi il va auprès du sacrificateur? Parce que la puissance de la délivrance se pose aussi par la capacité et le regard que tu as du sacrificateur. Si pour toi le sacrificateur est un prédicateur, il te prêchera des bons serments. Si pour toi Papa Désiré c'est juste un pasteur, il sera ton pasteur. Si pour toi il est un enseignant, il sera ton enseignant. D'ailleurs il aime faire ça, il sera ton enseignant. Mais si dans ton esprit il n'est pas qu'un pasteur, il n'est pas qu'un enseignant, il a dans sa bouche les paroles de la vie. Il a dans sa bouche les paroles qui transforment. Il fait un miracle. Il est allé auprès du sacrificateur parce qu'il était conscient que le sacrificateur avait une solution pour lui. Parce qu'il était conscient que le sacrificateur avait une réponse pour lui. Le regard que tu as du sacrificateur peut déterminer ton miracle. Élie est en train de s'en aller. Élie est qu'on aenda. Élisée vient voir Élie. Élie s'enenda comme on a dit. Il dit à Élie, Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À ce moment Élie a dit non, peine de pas te faire. Maître, je veux que tu me donnes la double portion de ton onction. À ce moment la peine de le cabiner c'est mon billet ou pas quoi? Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. À ce moment l'homme qui m'a kangufu. Mais quelque chose qui n'est pas impossible. La qui ne quitte qui là qui veut ce que c'est quoi? Double portion tu l'auras. C'est mon billet ou t'as pas. Mais à condition que tu me voies y monter. La qui ne peut pas être connu la coupanda. Pourquoi Élie avait dit que tu demandes quelque chose de difficile? Dans la culture juive, la double portion était rattachée au premier fils. Alors que dans le contexte de leur relation, Élisée était un disciple. Élie était son maître. Voilà pourquoi plus ils étaient en train d'avancer, les autres fils de prophètes ont regardé Élisée pour lui dire, ton maître est en train de s'en aller. C'est que aussi longtemps que leur relation était une relation des disciples et des maîtres, Élisée n'était pas éligible à avoir la double portion. Parce qu'on ne donne pas la double portion aux disciples. La double portion est donnée au fils. Et pourquoi on donne une double portion au fils? Le fils doit reconnaître le père. Lorsqu'ils sont arrivés au moment de l'enlèvement, les manteaux partaient déjà. Les manteaux étaient déjà en l'air. C'est là qu'Élisée a compris. Si ici je continue de l'appeler maître, les chars vont disparaître. Je change de regard. Il n'a pas crié mon maître, mon maître. Ah. Il a crié mon père, mon père. Et le manteau qui était dans les airs a respecté les protocoles du sacerdoce. Ah. Je prie ce soir qu'un manteau qui est dans les airs respecte les protocoles du sacerdoce divin. Il y a quelqu'un qui reconnaît ici en ces lieux qu'il y a plus qu'un pasteur, il y a plus qu'un enseignant, il y a un père et une source. Mon père, mon père, les manteaux de soi-même. Ah, Élie n'a pas parlé. Quand il avait demandé, Élie avait parlé. Mais quand le manteau doit descendre, Élie n'a pas parlé. Mais aïe. J'ai dit, ton père n'a pas à tout dire. Ton attitude peut ordonner un manteau. J'ai dit, ton père n'a pas à tout te dire. L'attitude que tu as envers le père peut te connecter à un protocole divin qui peut donner des instructions au monde spirituel. Les manteaux qui montaient déjà, c'est vu en train de descendre. Je parle à quelqu'un ici. Je suis en train de déclarer sur un fils. Les travails qui montaient déjà se feront en train de descendre. Les mariages qui montaient déjà se verront en train de descendre. Les ouvertures qui montaient déjà, j'ai dit, ça se verra en train de descendre. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Lors de la demande, Élie parle. Mais lors de la réceptivité, ce n'est pas Élie qui parle. C'est le monde spirituel qui observe l'attitude que tu as et te donne des choses. Il y a des choses que tu auras pas parce que papa désirait parler. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la bouche du leader qui bénit. J'aimais la prière de papa hier. Il a dit quand Isaac a demandé à Esaïe d'aller trouver les mets. Il a dit, afin que mon âme te bénisse. L'âme a une bouche. Mais la bouche de l'âme, tu ne peux les voir. Ton père peut te dire, sois béni, mais tu n'es pas béni. Mais si son âme te dit, si son âme te bénit, tu seras béni. Quelqu'un m'entend ce soir. C'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il ne peut pas seulement te regarder. Mais tu ne sais pas que spirituellement quelque chose s'est libéré. Tu peux poser seulement un acte. Il ne dit rien. Peut-être même il ne voit pas. On peut même l'apprendre à la maison. Papa, il y a tel frère qui avait payé l'imprimante. Il y a tel frère qui a fait quelque chose. Même s'il ne te dit rien. tu entres dans une affiliation qui va t'introduire à une bénédiction. Donne-moi une main bien. Frère, il y a des combats qui ne sont pas des combats de fils. Il y a des combats où c'est seulement la présence du Père qui peut te sauver. J'ai dit, il y a des batailles où c'est seulement la présence du Père qui peut te sauver. Joseph était rempli d'onction. Mais Joseph a été piégé. Le piège de Joseph. Le piège de Joseph, c'était d'aller épouser une fille, un homme qui adorait les dieux soleil. Et quand Joseph a épousé Asnath, les enfants de Joseph se sont retrouvés en train d'être livrés à ce dieu-là. Joseph ne le savait pas. Youssouf, ou encore Joseph le savait. Voilà pourquoi quand il a appris que son père était vivant, il a dit, ramenez mon père. Quand son père est arrivé, son père a regardé Manassé. Son père a regardé Ephraïm. Il a vu que les enfants sont sacrifiés. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, Joseph, tu étais seul. Maintenant le père est là. Manassé et Ephraïm ne seront plus tes enfants. Je les adopte afin que mon Dieu, le Dieu d'Abraham, soit le Dieu de Manassé et d'Ephraïm. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu de Papa Désiré sera le Dieu de tes enfants. Je dis, le Dieu de Papa Désiré sera le Dieu des enfants de tes enfants. Tu ne me donnes pas un bon amen. S'il est le Dieu de tes enfants, il sera le Dieu de ta lignée. Donne-moi un amen puissant. Les regards peuvent apporter des choses que tu n'as jamais imaginées. Et j'aime la parole de Dieu. Lorsqu'il est allé auprès du sacrificateur, quelques instants après, la Bible déclare, les traitements commencent. Je prie ce soir que Dieu traite ton cas. Je prie ce soir que Dieu traite les problèmes de ta famille. Je prie ce soir que Dieu traite les problèmes de ta famille. Quand le sacrificateur arrive dans la maison, la première instruction que le sacrificateur donne, le sacrificateur dira, mettez à part les pierres qui n'ont pas encore été touchées. Mettez à part les pierres qui ne sont pas encore atteintes, afin qu'on puisse se servir de ces pierres. Le premier signe de la délivrance d'une famille, comme ce fut dans la famille des Gédéons, ça commence par la mise à part. Lorsque Dieu vient dans une famille et qu'il fait apporter la délivrance, il cherche des Gédéons, des hommes qu'il va mettre à part. Dieu ne fait rien dans une famille sans mettre à part dans cette famille. Dit, Dieu ne prendra pas un mercenaire. C'est seulement dans cette maison qu'on prendra des pierres et qu'on mettra à part. C'est seulement dans cette famille où il y a la sorcellerie qu'on prendra quelqu'un et qu'on mettra à part. C'est seulement dans cette famille où on va le marquer la rater, que Dieu va prendre quelqu'un et le mettre à part. Tu te poses parfois la question, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? J'aurais pu devenir entrepreneur. J'aurais pu faire mille choses. Pour changer les problèmes de cette famille. Pour changer la situation de cette famille. Le sacrificateur n'ordonne pas la mise à part. S'il n'y a pas un plan de traitement, Dieu ne permet pas qu'à Bengayo, s'il ne doit pas changer cette vie. Lorsque Nzamba Bengakio, il n'avait pas d'abord des projets pour Madian. Il avait d'abord des projets pour la maison de ton père. Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, ne va pas d'abord combattre Madian. Tu as des origines, tu as une famille, tu as une source. Il faut famille na opebayeba. Il faut famille na opebayeba. Il faut famille na opebayeba. Je prie pour quelqu'un ici. Renommé en Zambé Nayo. Elle est dans l'église. Elle est dans la famille Nayo. Elle est renommé en Zambé Nayo. Elle est dans l'église. Elle est dans la famille Nayo. Je ne sais pas à qui je suis en train de dire cela. Mais je déclare pour quelqu'un ce soir. Renommé en Zambé Nayo. Elle est dans la source féconde. Afin que l'on sache que Jésus est le même hier, aujourd'hui. Donne-moi une main bien. Donne-moi une main puissante. Mettez-moi à part. Les pierres qui n'ont pas encore été touchées. La mise à part et la consécration. Aussitôt que les pierres seront mises à part, aussitôt le traitement peut continuer. Je parle à quelqu'un qui est conscient de l'appel ce soir. Ce qui ne résiste pas à l'appel. Ce qui ne résiste pas à l'appel. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Je suis en train de parler à un jeune. Il se peut que tu parles des choses. Il se peut qu'on se moque de toi. Il se peut qu'on te traite de démodé. Je parle à un jeune ce soir. Tout ce que tu perds pour Dieu, afin de payer le prix de la consécration, tu le retrouveras en Dieu. Je dis tout ce que tu perds pour Dieu, afin de payer le prix de la consécration, tu vas les récupérer en Dieu. Si tu as perdu des amis pour Dieu, Dieu te redonnera mieux. Si tu as perdu un copain, une copine pour Dieu, Dieu te redonnera mieux. Si tu as perdu des opportunités pour Dieu, Dieu te donnera mieux. Donne-moi un amen puissant. Mettez à part les pierres qui n'ont pas été touchées. Lorsque les pierres se mettent à part, la Bible déclare, le sacrificateur demanda, confirme la maison. Pourquoi on ferme la maison? Pour qu'un traitement commence. Et le sacrificateur va dire, la maison doit se fermer pendant 7 jours. 7 jours où il n'y aura rien. 7 jours il n'y aura aucun signe. Il existe dans chaque famille ce qu'on appelle les 7 jours de l'éternel. C'est le moment parfait pour que les gens se convertissent. C'est le moment parfait pour que les sorciers se convertissent. Il y a toujours un temps où Dieu laisse avant de pouvoir envoyer son jugement. Il y a toujours un temps que Dieu permet avant de pouvoir envoyer son intervention. Tu peux être là en train de prier pour ta famille. Je dis, ma famille a beaucoup de sorciers. Pourquoi Dieu n'agit pas? Il sait peu que ça soit encore dans les 7 jours de l'éternel. Dieu est en train de prendre son temps pour que tes parents se convertissent. Dieu est en train de prendre son temps pour que des âmes reviennent à lui. Dieu est en train de prendre son temps pour que la repentance porte du fruit. Et la Bible déclare, lorsque 7 jours sont passés, on vient ouvrir la maison. On a vu que la lèpre s'est encore étendue. Le mal s'est encore étendu. Le mal s'est encore élargi. Et c'est à ce moment-là que le sacrificateur dira, ôtez ces pierres. Ôtez ces pierres. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelqu'un. Il arrive une saison où Dieu accorde un 7 jours. Mais il arrive aussi une saison où Dieu vient frapper par la mort. Le sorcier qui combattait ta famille, il arrivera une saison où Dieu va l'accorder de se repentir. Mais il arrive aussi cette saison où l'épée de Dieu viendra sur lui. Où l'épée de Dieu viendra sur lui. Voilà pourquoi vous entendez dans certaines familles. Oncle Morobo Yakoufi. Quand Morobo Yakoufi. Koko Morobo Yakoufi. Diplôme d'État. Oncle Morobo Yakoufi. Maternité na funguka. C'est parce qu'il y a un jugement de Dieu qui vient dans ta famille afin d'ôter les pierres. Je suis en train de prier. Bando qui a famille na yo. Oh babou ni sarafi na yo. Kalobin samba bo mabango. Tu me donnes pas un amen. Kalobin samba bo mabango. Que Dieu les tue. Que les séjours des morts les rencontrent vivants. Il arrive des fois où Dieu permet que les gens se repentissent. Mais il arrive des fois où Dieu lui-même vient s'occuper de cela. Ce qui concerne ta destinée, Dieu est prêt de tuer quelqu'un. En ce qui concerne ta destinée, Dieu est prêt de tuer quelqu'un. En ce qui concerne ton mariage, Dieu est prêt de tuer quelqu'un. En ce qui concerne ton ministère, tu me comprends pas. Je dis, Dieu est prêt de tuer quelqu'un. Homme de Dieu, qui est le père de Jésus? Ninani Baba Yesu. Hein? Qui est le père de Jésus? Baba yake Yesu ninani? Hein? Non, qui est le père de Jésus? Baba yake Yesu ninani? Dieu. Mungu. On est d'accord que Dieu est le père de Jésus. Tunakuwa pamoja sasa. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est le père de Jésus? Unakuwa pamoja sasa Mungu ndio Baba yake Yesu. Qui a tué Jésus? Nani aliua Yesu? Hein? Qui a tué Jésus? Nani aliua Yesu? Dieu est son père. Mungu ni baba yake. Dieu a tué Jésus. Mungu aliua Yesu. Mais je te pose une troisième question. Na kuuliza question. Pourquoi Dieu a tué Jésus? Kwa nini Mungu aliua Yesu? Pourquoi Dieu a tué Jésus? Kwa nini Mungu aliua Yesu? Afin que toi tu sois quoi? Ili wewe usikue. Si Dieu a tué son propre fils. Kama Mungu aliua mwana wake upeke. Je dis, soki nzamba boma mwana na ye moko. Ah! E bongo oncle na oko, oncle na oba benga rapichu. Si Dieu a tué son propre fils, et mon tata moi sur Abin à Santal, Soki Nzamba Boma Mwana na ye moko, Pokana Zwabo Moya, Nani Nzamba Robo Mate, Pokana Zwabo Moye, Soki Nzamba Boma Mwana na ye moko, Azalara na Bangomi Balete, Azalara na Bangomi Satute, Azalara na Bango Katrete, Azalara na Bango Sankite. Mwana bo moko, azwi mwana oya ye moko, apesi mwana na ye, po a sauve bana ya batu mususu, a plus forte raison, nani nzamba rosimba te, oya zolu kamusala na yo, je lève ma main droite sa kabalabalaba sete. Je lève ma main droite. Je suis en train de déclarer. Na décembre oyo. Oh, bazo lukabale kisamutu. Bazo prophétise. Na décembre oyo. Oh, bazo lukabale kisamutu. Nzambe ale kisabango moko. Ozo pesanga amen à bien te. Ozo pesanga amen à bien te. Nalobi na décembre oyo. Oh, balukarole kisamisala. Oh, baluka. Agole kisamabala. Baba luka agole kisabana. Nalobin zamba chaba ngona mutalaka na ye. Nalobin zamba chaba ngona mutalaka. Bango moko bako kufa. Mutango ya robo mayo. Ye moko wa omikunda. Mutango ya simba yo. Ako kutana na yote. Lorsque les sacrificataires demandent d'ôter les pierres, c'est parce qu'ils voulaient autrement dire. Cette maison est encore utilisable. Cette maison, on peut encore l'exploiter. Cette famille, Dieu peut encore passer. Dans cette vie, on peut encore faire des grandes choses. Ça va reconfondre Moutou. Parce que ta vie est encore utilisable. Parce que ta destinée est encore utilisable. Ôtez-moi les pierres. Araba Setelebaya. Alléluia. Aria Satelebayo Kamiasa. Et la Bible va finir par dire, le sacrificateur dira, prenez les nouvelles pierres. Il arrive parfois, lorsque Dieu délivre une famille, il commence une nouvelle lignée. Lorsque Dieu commence à délivrer une famille, abandara lignée Asika. Soki batu bazwa kama kambuta, lignée Asika rozoato. Ramenez les nouvelles pierres. Parfois Dieu recommence à zéro en pleine course. Avant d'aligner à Sika. Il y a un homme qui a vécu longtemps. Qu'on appelait Abraham. La particularité de cet homme, c'est qu'il obtenait des choses tard. Abraham a été béni tard. Abraham a été prospère tard. Abraham a été fécond tard. Mais quand Dieu veut commencer une nouvelle lignée de l'humanité, il voulait avoir un modèle avant de pouvoir envoyer Jésus et faire de Jésus le père de quelqu'un. Dieu est allé aussi chercher quelqu'un qui avait obtenu des choses tôt, qu'on appelle le roi David, à joie onction tôt, à comme un roi tôt. C'est là que Dieu prend David et fait de lui descendant de Jésus, parce que la destinée de Jésus était aussi rattachée à obtenir des choses tôt. Je viens annoncer à quelqu'un, ceux qui n'ont famille n'ont pas la retard. Avec toi, une nouvelle lignée commence. Ceux qui n'ont famille n'a pas tout basé là-bas, pasteur, t'es comme dans ma famille. Je n'ai jamais connu un pasteur avant moi dans ma famille. Parce qu'à partir de moi, quelque chose commence. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, votre ancêtre, ce n'est pas mon père. Mon grand-père non plus n'est pas votre ancêtre. Je suis l'ancêtre de la famille, parce qu'à partir de moi une nouvelle lignée commence. Je viens dire à quelqu'un de la part de Dieu, tu es l'ancêtre de ta famille. Alors, parce qu'à partir de toi, à partir de toi, Une nouvelle lignée commence. La famille n'est pas comme je ne sais pas à qui Dieu parle ce soir. Mais je te parle de tout mon cœur et de toute mon âme. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a une nouvelle lignée que Dieu commence. Ce soir. Une lignée différente. Différente de la souffrance. Différente de la malédiction. Différente de la mort. Gédéon, c'est vrai. Ta famille est la plus petite de Manassé. Mais le regard de Dieu se pose sur toi afin de commencer une nouvelle lignée. Il y a quoi ça qui s'équipe? Zambazana Banzela Naye. Zambazana Bavoua Naye. Peut-être que Oumela Kala. Mais ce qui est en Zambébé, de nouvelles pierres, on les trouvera. La nouvelle lignée commencera. Je suis en train de prier de tout mon cœur. Que quelque chose de nouveau commence. Si tu sens de prier, commence à prier. Si tu sens de parler à Dieu, parle à Dieu. Si tu sens de venir devant, viens prier devant. Si tu sens de dormir, dors. Si tu sens d'être à genoux, mets-toi à genoux. Nous sommes ce soir à nu et à découvert. Pour dire à Dieu, t'as la potée à famille nanga. T'as la potée à libota nanga. T'as la potée à mboka nanga. Mais commence une nouvelle lignée. Commence une nouvelle lignée. Commence une nouvelle lignée. L'onction de nouvelles pierres est en train de se répandre ici. L'onction de nouvelles grâces est en train de se répandre ici. Ne regarde pas ton voisin, cherche Dieu. Lorsqu'il t'a appelé, moi je n'étais pas là. Lorsqu'il avait envoyé son ange, je n'étais pas là. Lorsqu'il t'avait parlé en songe, je n'étais pas là. Crie à Dieu ce soir. C'est mon amour, John Aléo. Quelque chose de nouveau commence ce soir. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Quelque chose de nouveau commence dans ma famille. Quelque chose de nouveau commence avec moi. Une nouvelle lignée commence avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie ce soir, ô Éternel Dieu des grâces, que des choses commencent avec moi. Que nouvelle ligne commence avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu est mon Père, le Dieu est mon Père. Je suis le plus petit de ma famille. Je ne me vois plus petit ce soir. Je ne me vois plus petit ce soir. Je ne me vois plus petit ce soir. Je suis devenu grand. Je suis grand, je suis grand, je suis grand. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. C'est mon amour. Parle à Dieu. C'est mon amour. Il a vu la lèpre dans ta maison. Et il a décidé de venir. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir. Aïe. Aïe. Aïe, Mahashia Tabaya. Crie à la miséricorde de Dieu. Apa kuna kwa buluma wa Mungu. Neema ya Bwana. Oh, neema. Neema ya Bwana. Oh, neema. Neema ya Bwana. Oh, neema. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Pale ya mshete. Nous sommes nés à la pouvoir. Il y a un traitement de ta maison qui se fait ce soir. Malobage famille n'a pas pauvre. Alléluia. Zambazo kota lelo. Mungwe kona ingia. Malobage la famille a kindoki. Balisema ni chama ya balosi. Zambazo kota lelo. Mungwe kona ingia leo. Malobage sale nzambe basala rate. Balisema batumisha mungwe bakala keko. Zambazo kota lelo. Mungwe kona ingia leo. Baloba mutambongo asala rate. Asamoto yakoba sinako. Zambazo kota lelo. Mungwe kona ingia leo. Baloba mutambongo asala rate. Asamoto kota lelo. Mungwe kona ingia leo. Baloba la famia malaji. Asema ni magonjo tu chama magonjo. Zambazo kota lelo. Mungwe kona ingia leo. Oh neema. Oh Nemaya Bwana o nema Zambazo nema Soso na envelope na ya mo deposa mo hotel Amaruka na envelope yako kuya nayo Soso ya ki na envelope na offrande spéciale ya mo deposa na hotel Amaruka na envelope yako kuya weke kuma sabao Ozo sambela ozo ya deposa offrande nayo Uko na ombea sadaka yako kabla kiwe Ozo kango la famille na nga Uko na sema ko tira chama yako deposa ya mo na hotel Wi weke kumi bala Oh, Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je dis rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Lève tes mains vers le ciel. Ferme tes yeux. Quelque chose de nouveau va descendre sur toi dans quelques minutes. Une onction nouvelle et une grâce nouvelle. Le Dieu de Moulima 30, c'est un Dieu de choses nouvelles. Alors que je suis en train de prier, que la grâce de Dieu entre dans ta vie et apporte de choses nouvelles. Que la puissance de Dieu te cherche et te localise. Que la puissance de Dieu te cherche et te localise. Oyonyo soeza lèpre. Oyonyo soeza malédiction. Napoko ya lelo. Sioni ya leo. Nazo kwa isa yango. Que la puissance de la délivrance localise ta vie maintenant. Sois touché par la main de Dieu. Le Seigneur est en train de venir. Il suscite des prophètes. Baro va recevoir famille. Alors que je serai en train de t'appeler par ton identité prophétique, la puissance de Dieu viendra dans ta rangée et elle va te toucher. Je prie maintenant qu'un prophète soit touché, qu'une prophétesse soit touchée, qu'un prophète soit touché. Sois touché. Protocole. Amenez-moi ces gens. Que les prophètes soient touchés. Que la prophétesse soit touchée. Ça se passe maintenant. Que le prophète soit touché maintenant. Au son de ma voix, qu'une prophétesse soit touchée. Je t'appelle par ton identité prophétique. Prophète de l'Éternel. Prophétesse de l'Éternel. Là où tu es, Que la main, amenez-moi ces gens, Je veux compter à 7. La puissance de Dieu va s'intensifier. La bradama à Satan. Je compte 7. Je compte 6. 10. Je compte 5. 5. Je compte 4. 4. Je compte 3. 3. Je compte 2. Et je compte 1. Reçois. Reçois. Partout tu es reçois, reçois. Passionne de ton cœur. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Amenez-moi ce chant devant. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Reçois l'onction. Reçois. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu. Que la main de Dieu. Que la main de Dieu te touche. Amenez-moi ces gens devant. Amenez-moi ces gens devant. La chorale, élevez vos mains. Je prie au nom de Jésus que vous devenez une chorale prophétique. Que la puissance de Dieu vous affecte maintenant. Vous affecte maintenant. Qu'un feu nouveau descend sur vous. Descend sur vous. Descend sur vous. Descend sur vous. Descend sur vous. Une onction nouvelle. Ça tombe ici. J'ai dit ça tombe ici. Reçois. Ça tombe ici. Élève tes mains vers le ciel. Il y a une deuxième vague. Des gens que Dieu va puissamment utiliser dans le domaine des affaires, mais de manière prophétique. Je prie maintenant que la puissance de Dieu, partout où vous êtes, que l'onction royale qui se pose sur ma vie, que l'onction royale qui se pose sur la vie de notre Père, te localise maintenant. Maintenant, j'ai vu 6 personnes dans mon esprit. Ils sont au nombre de 6. Karabasatarabaya. Les Kariamas, amenez-moi ces gens. On y va, on y va, on y va. Karabasate. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Ils sont appelés dans les affaires. Mais il y a une onction royale qui va tomber sur eux. Et je compte 6. Où sont ces personnes, Seigneur? Touche-moi ces personnes. Amenez-la, amenez-la, amenez-la. Touche-moi ces personnes. Et da ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Sous l'honneur. Da ba ba ba ba ba ba. Amenez-la, amenez-la. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. J'entends la voix de Dieu me dire. Je libère de l'esprit de pauvreté. Élève tes mains vers le ciel. Que tous ceux qui sont enchaînés par un esprit de pauvreté qui vous garde au plus bas. Tu n'as pas de travail. Tu as fini tes études. Il y a des chaînes qui te résistent. Je veux prier en esprit. Il y a des chaînes qui vont te lâcher. Que les chaînes te lâchent. Que les chaînes te libèrent. Que les chaînes te libèrent. Partout où tu es, amène-moi ces personnes. Amène-les ici. Que les chaînes te libèrent. Que le chien te libère. Que le chien te libère. Que le chien te libère. Ah, bah, bah, bah, bah. Je suis en train de libérer un esprit de prière. Tu es conscient du mandat et de l'appel. Mais ta vie de prière est secouée. Ce n'est pas moi qui va te toucher. C'est les anges qui sont en ces lieux. Et la main de Dieu qui est en train de mouvoir ici. Qui va venir là où tu es. Et cette main va te communiquer cet esprit de prière. Je suis en train de prier maintenant. Que l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Ça vient. Même à la chorale. Ça vient. Je vois une main se poser sur les oreilles de quelqu'un. Et le Seigneur me dit, j'ouvre l'entendement de plusieurs. J'ouvre l'entendement de plusieurs. Mets ta main sur tes oreilles. Au son de ma voix, tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Amenez-moi ces gens. Recevez. Tes oreilles s'ouvrent. C'est que tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Ça, c'est un prophète de Dieu. Tes oreilles s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. Maître, on y va, maître, on y va. Tes oreilles s'ouvrent. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons, nous t'attendons, t'attendons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons, nous t'attendons. Tu vas sentir comme une chaleur sur tes oreilles. Oui, c'est une chaleur. Mais qui est en train de déboucher les ondes. De déboucher les fréquences. Jésus est ici. Afin de t'amener dans ta dimension maximale. Afin de t'amener dans ta dimension maximale. Aïe, garde tes mains sur tes oreilles. C'est en train de se faire. Je vois comme un téléchargement. Tambena kembo. Yeah. que tu peux louer Dieu? Tiens-toi debout, loue Dieu. Jésus a gagné, on va crier. Oh. Allez, pousse les cris de joie et louange. Sautez, sautez. Ah. On va crier, on va sauter. Sauter pour le Seigneur, sauter pour la victoire. Aïe aïe aïe, encore. Sauter. Alléluia. Sauter, pousse le cri de joie. On va crier, on va sauter. Wow. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Le protocole est de nous. Nous voulons donner les offrandes rapidement. Mettez aussi les paniers là derrière. On gagne le temps. La croix nous accompagne. Franck, pendant quelques minutes, pendant que nous offrons. Et je vais donner le communiqué juste après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. Acclamer pour la victoire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, 8h30, nous sommes là pour la masterclass. C'est 2 heures de masterclass. Après, nous avons l'autre programme pour les diacres et les diaconesses. Et le soir, nous nous retrouvons les couples, les fiancés, pour écouter cet enseignement avec le pasteur. N'oublions pas dimanche les enveloppes pour ceux qui n'ont pas mené aujourd'hui. Et nous allons prier pour tout ça le dimanche. Le livre c'est $30. Le pasteur a mené un lot de 30 livres. À peu près 30 livres. Si nous pouvons terminer les 30 livres parce qu'il part dimanche, ça a quitté Paris, ce serait normal que ça rentre encore à Paris. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire grâce. Et tu achètes 2 ou 3, tu peux donner à un frère. C'est la fin de l'année. Je me rappelle quand, à un moment donné, on n'envoyait pas les messages toujours sur Facebook. On écrivait des cartes, on donnait des cadeaux. Rentrons à de bonnes habitudes. Alléluia. Amen. Tu offres un cadeau à quelqu'un, un livre. Un livre. C'est très important. Il est à l'arrêt Moulikap, il lit le livre. Il est au bureau, il lit quelque chose. Ça débloque dans la tête et ça arrange beaucoup de choses. Nous allons prier et recommander ce week-end entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Tu lèves tes mains là où tu es. Seigneur, merci. Parce que tu as commencé à soigner la maison. Tu as commencé à soigner les familles. Tu as ôté les pierres qui avaient la plaie. Tu as apporté de nouvelles pierres pour une nouvelle lignée, pour une nouvelle grâce, pour une nouvelle dimension. Je les déclare ce soir dans la vie de tes enfants, dans la vie de cette église, dans la vie de ce pays. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le mariage, ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont malades, bénis ce week-end. Que ta grâce soit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.